bon, koyembe la bolingo. N'est-ce pas, procureur, Mutarabukoko? Tala bolingo, bon apesi na yo ae. Okanga yango na songe liputa, chéri, kola kisana motota. L'hôpito koningi sa sefa, la main à la main, l'isima suraju. Bango moko bako mituna, wanande bandeli abato mi pale balingali. Awa usengo, awa usengo. Ayo lisima e, ayo sheri e, ye ye. Mopala mopaya epe kisa mitena mokili agwe. Mambo na mambo yoyo, mokolo ya bokuta ni na biso isheri. Na koye bisa bapotie, na koye bisa bapeti ya kartye. Mambo sala feti mama lisi mapari. Mama kinyo, sala juranga, iba miranga, ya kango sheri, na ebisa ya ndoto na loteki, ndoto ya bolingo na biso, oh oh oh oh, hey, mwana kinyanga, oh oh oh, mwana yolo langa bolingo. Mabala s'exprime et laisse écouter sa voix. Lisima, mama e, mwana kinyo, sala juranga, mama e, c'est la beauté que j'adore, viens auprès de moi, il est ton nom chéri, c'est là juste bon, auprès de nos parents, auprès de nos amis. Lisima, bolingo, sauveur. Pas de bouger. si ce jour-là, il y avait un prêtre, on pouvait bénir Fernand Mabala pour le meilleur et pour le pire. Amen.